vivant de Leslie Menahem. Épisode 5, nocturne. 31 décembre. Pas un écart. Pas un geste de tronc. Pas un mot de travers. Travail, rigueur, discipline. Les dents lavées, les cheveux brossés, les chemisiers boutonnés, les lacets faits et les gammes travaillées. Le solfège déchiffré, encore et toujours. Travail, rigueur, discipline et une règle qui meurtrit mes doigts lorsque je me suis trompée. Depuis mes 5 ans. Pendant 20 ans. Un soir, alors que je m'étais regardée dans le miroir, alors que je me trouvais laide, alors que je trouvais mes cheveux trop bien coiffés, ma chemise trop bien boutonnée, je suis sortie faire la fête comme jamais. J'ai brûlé mon diplôme du conservatoire. Bonjour monsieur. Je suis votre nouvelle professeure de piano, Sophie Limon. Mais je suis enchantée. Une certaine Laura m'a indiqué votre adresse, me guidant jusqu'à chez vous. Mais voyez qui voilà! Votre professeur de piano, Sophie Limon. Alors, Tom, tu te décides enfin à reprendre? Absolument, mais cette fois-ci, je veux faire du jazz. Ah, mais c'est pas facile, le jazz. Il te faut une vraie remise à niveau. Je sais, mais je suis un peu fatigué de la lettre à Élise. J'ai envie de quelque chose de plus groovy, de plus jazzy, de plus... Ouais, moi donc. Alors, on va s'y mettre? Bon. Eh ben, je vous laisse vous concentrer. Sophie, on se retrouve ce soir pour le réveillon? Bien sûr. À plus tard, ma puce. À plus tard. Alors, installons-nous. Hop. Un peu de concentration. Et ce soir, la grosse teuf. Sophie, tu parles comme une ado. Oh, ça va. Ça, c'est le premier enchaînement. Écoute bien. Je voulais salir mes robes. Tu reconnais? Oui, bien sûr. Me décoiffer, braver l'interdit. Je voulais déraper, dévier, dérailler, m'enfuir, m'oublier. J'avais envie de fausses notes, de mauvaises conduites, de risques, d'accidents, d'heureux accidents. Alors parfois la nuit, je me suis mise à disparaître. C'était mes nocturnes, à moi. Bao? Ma chérie, comment vas-tu? Très bien. Je viens de donner un cours à Tom. Ah, et il s'en sort? Mieux que ce que je pensais, mais il y a encore du boulot. J'imagine. Bon alors, ça se passe chez eux pour le réveillon ce soir? Oui, je vous retrouverai directement. Tu repasses pas à la maison? Non, j'aurai pas le temps. J'ai encore un dernier cours à donner et je préfère vous rejoindre. Tant pis si je peux pas me changer. T'as pas besoin de te changer pour être belle. C'est ce que je me dis. Les enfants sont chez Maryse, je les ai déposés tout à l'heure. Parfait. Et ta mère a appelé pour... Je ne veux pas en entendre parler. Écoute, je crois qu'elle aimerait vraiment reprendre contact avec toi. On verra l'année prochaine. Allez, je te laisse, j'arrive chez mon dernier élève. À plus tard, ma chérie. À plus tard. Vivre, rien que pour moi, à pas de loup. Scruter les rues désertes à la nuit tombée. Lever les yeux, guetter les carrés jaunes au sommet des immeubles gris. M'interroger sur les autres noctambules, papillons de nuit éblouis par la lumière trop vive. Étriquée dans des appartements trop pleins. Écouter la ville au repos, perturbée ponctuellement par quelques alarmes de police. Traîner près des stations de métro fermées, longer les quais de Seine, plonger dans les tunnels à l'odeur d'urine, découvrir les dernières œuvres d'art des graffeurs nocturnes. Anonyme, à la conquête de la ville endormie. Parfois je sonne chez mon amant avant le lever du jour. Aujourd'hui, j'y passe un peu plus tôt. Mes battements de cœur, comme un métronome, se sont réglés sur un rythme accéléré dès que j'ai poussé la porte de l'immeuble. C'est si bon quand c'est interdit. Reprends tes gammes. Il faut que tu travailles tes articulations. Tes mouvements ne sont pas assez souples. Ils sont si beaux, ces nocturnes. On m'avait pourtant dit que j'étais d'une grande souplesse. Oh, je t'en prie. Tu dois prendre de bonnes résolutions, profites-en. C'est bientôt la nouvelle année. Très bien. Et quelles sont tes bonnes résolutions? Continuer à faire ce qui me plaît. Ça, je ne m'inquiète pas pour toi. Et autre chose? Être un peu plus franche, peut-être. Très bien. Alors, suis-je un bon pianiste? Tu es le plus mauvais pianiste que je connais. Ah. Tu sais bien que c'est faux. La vérité, c'est que tu n'es pas sérieux. Alors, je prends la bonne résolution de travailler mes gammes au moins une fois par semaine. Arrête de plaisanter. Je ferai tout ce que tu veux. C'est pour toi que tu dois le faire, surtout pas pour moi. Je le ferai pour moi, Sophie. Alors, c'est parfait. Si je travaille mes gammes tous les jours pendant plusieurs heures, tu m'appelleras tous les jours. On verra. La franchise. Tu as dit que tu serais franche. Oui, mais ça c'est prévu pour l'année prochaine. Lui, il y arrivera. Il travaillera. Il s'en donnera la peine. Il en a le potentiel. Il en a le talent. Travail, rigueur, discipline. Mes doigts glissent le long de la rampe noire tandis que je me précipite vers la sortie. Je reprends position parmi tous les passants anonymes tandis que je me dirige vers chez Tom et Laura. Plus que quelques heures avant la nouvelle année. Au moment de sonner, je change d'avis. J'éteins mon téléphone portable et me dirige vers les grands boulevards. Je cours. Il fait déjà nuit. La fête. Lumières éblouissantes, ambiance multicolore, ultrasons, drogue, rencontres hasardeuses, corps en extase frémissant au gré des pulsations. Litres d'alcool déversés, engorgés, transpirés, expulsés. Baisers échangés, corps enlacés. Ni jugement, ni métier. De la chair en mouvement. Anonyme, nocturne, que des souffles, que des corps. Profondément vivant. C'était Vivant de Leslie Menahem, épisode 5, Nocturne. Avec Sophie, Aline Lebert, Tom, Mexianou Medenou, Laura, Leslie Menahem, Bao, Slimane Yefsa, Laman, Pascal Sangla. Bruitage, Bertrand Amiel et Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Prise de son, montage et mixage, Éric Boisset et Lidouine Caron. Assistante à la réalisation, Clémence Grosse. Réalisation, Sophie Haute-Picou. Vivant de Leslie Menahem a obtenu le prix Beaumarchais SACD dans la catégorie Vie moderne.